Nzikomanyanga. Serafina Kidimana de l'autre côté de la vitrine. Merci de rester fidèle aux émissions de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre l'actualité. Donc voici d'abord l'essentiel. L'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles Nabariza apprécie positivement le décret présidentiel portant la mesure de grâce présidentielle à Madame Floriane Irangavie, qui était détenue à peu près 2 ans à la prison centrale de Boubanza. Décret datant du 14 août 2024, vous l'entendrez. 1200 jeunes subdivisés dans 3 groupes s'occupent des travaux de propriété de la ville de Bujumbura via les camps de travail organisés par le centre jeune Kamenge. À part ces travaux, ce centre organise des formations pour ces jeunes, des formations relatives à la paix et à la cohésion sociale. Et les cas de grossesse non désirée en milieu scolaire ont sensiblement diminué, allant de 88 à 47 respectivement pour les 2 dernières années en province de Kayanza, à propos de Juvenal Mbonihanguye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Bienvenue à cette actualité. On ouvre cette actualité par la page politique. Certains gouverneurs demandent aux agents recenseurs de prendre le temps de tranquilliser la personne à recenser, tout en lui indiquant que le gouvernement ne va pas saisir ses biens afin qu'elle puisse dire la vérité. Cet appel a été lancé ce vendredi lors d'une réunion d'échange qui a eu lieu dans la capitale politique Gitega entre 3 ministres, à savoir celui de Relations extérieures, celui de l'Agriculture et celui de la Solidarité avec les gouverneurs des provinces qui font la nouvelle province de Gitega, les administrateurs ainsi que les membres des comités provinciaux du recensement. Ces ministres ont indiqué que les agents recenseurs ont été formés, notamment sur les techniques d'approche à la persona recensée. Les détails avec Arthur Kavabouchi. Dans cette réunion d'échange initiée par les 3 ministres originaires des 3 provinces qui forment la nouvelle province de Gitega, les gouverneurs, les administrateurs communaux et les membres des comités provinciaux du recensement, il a été demandé que les administratifs jusqu'au chef de colline, ils doivent sensibiliser la population à bien répondre aux questions. Le ministre en charge de l'Agriculture a indiqué que les données issues de ce recensement vont permettre à rayer le Burundi sur la liste des pays pauvres, vu que la production sera connue. Quant à la ministre ayant la solidarité dans ses attributions, elle a fait savoir que ça va permettre de connaître les vrais indigents pour que ce soit eux qui soient assistés au moment où il y en a qui recevaient de l'aide alors qu'ils ne sont pas indigents. Albert Shingiro, ministre des Relations extérieures, a souligné que ces données vont permettre de mettre à jour les programmes de développement et que ces mêmes données seront partagés avec les pays partenaires au développement. Le gouverneur de la province Moaro a demandé que les agents recenseurs prennent le temps de tranquilliser la personne recensée pour qu'elle dise la vérité sur ses avoirs parce que l'État ne va pas saisir ses biens. Il est prévu que ce recensement sera clôturé le 15 septembre courant. Depuis Gitega, Tukavabushi, Radio Sanganiro. Merci à Arthur Kavabouchi pour tous ces détails. Dans cette même page, le faible réseau de connexion Internet ainsi que le manque de carburant, tels sont les grands défis qui peuvent handicaper le recensement de la population, de l'habitat et de l'agriculture et de l'élevage dans la nouvelle province de Buhumuza, englobant Chankuzo, Muyinga et Ruyigi. Ces défis ont été évoqués dans une réunion à l'endroit des comités de pilotage de recensement de ces 3 provinces réunies réunion tenue par le ministre en charge du commerce et son homologue en charge de l'énergie. Dans cette réunion, le ministre Ndimbere Chantal a demandé aux agents recenseurs de s'adapter par rapport au manque de connexion, d'être conscients qu'il n'y a pas une coupure nationale des réseaux mobiles. Les agents recenseurs devront faire des déplacements pour chercher là où ils peuvent trouver une connexion à haut débit pour transmettre leur rapport. Tandis que son homologue Ibrahim Ouidzeye, ministre en charge de l'énergie, a dit que le carburant sera disponible durant le recensement qui commencera effectivement le 24 de ce mois d'août après une sensibilisation qui a commencé dès ce vendredi. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page éducation à présent, les cas de grossesse non désirée en milieu scolaire ont sensiblement diminué, allant de 88 à 47 respectivement pour les deux dernières années scolaires en province de Kayanza. Propos de Juvenal Mbonihangouye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Cette autorité scolaire indique que les causes sont des sensibilisations sur les conséquences et des grossesses non désirées qui ont été menées chez les jeunes filles scolarisées et les sanctions qui ont été infligées aux auteurs de ces grossesses. Pour éradiquer ce phénomène, Juvenal Mbonihangouye appelle les parents d'élèves à veiller à l'encadrement de leurs enfants à la maison après les cours. N'est-ce pas, Patrick Senghiumf? Comme l'indique Juvenal Mbonihangouye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, au cours de l'année scolaire 2022-2023, 88 jeunes filles élèves ont abandonné l'école à cause des grossesses non désirées, dont 23 de l'école fondamentale et 65 du poste fondamental. C'est au moment où, au cours de l'année scolaire 2023-2024, on a enregistré dans la province scolaire de Kayanza 47 cas de grossesse non désirée, dont 17 à l'école fondamentale et 30 au poste fondamental. Juvenal Mbonihangouye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, fait savoir que beaucoup de grossesses non désirées sont signalées en commune scolaire de Kayanza. Parmi les causes, cette autorité scolaire provinciale à Kayanza parle surtout d'une commune dont une partie est située en ville de Kayanza, où les jeunes filles élèves scolarisées peuvent être trompées facilement. Toutefois, le directeur provincial de l'éducation à Kayanza apprécie le fait que le taux de grossesse non désirée en milieu scolaire tend à diminuer, d'où il appelle toutes les parties prenantes en matière de l'éducation à redoubler d'efforts dans l'éradication de ce phénomène de grossesse non désirée en milieu scolaire. Juvenal Mbonihangouye invite également les parents d'élèves à renforcer l'encadrement de leurs enfants après les cours quand ils sont à la maison. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza met en garde également les éducateurs qui trompent les jeunes filles scolarisées que celui qui sera appréhendé sera sévèrement sanctionné. Vous saurez qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022, 84 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés dans cette province scolaire de Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganilo. Merci également Patrick Nsengiumva. Page justice à présent. Florian Irangabillé a bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle à travers le décret du 14 août 2024. Le président de la République indique qu'il bénéficie de la remise totale de peine. Florian Irangabillé avait été arrêté en date du 30 août 2022. Il avait été condamné à 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais. Elle était accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national. L'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles Nabadiza apprécie positivement le décret présidentiel portant la mesure de grâce présidentielle à Florian Irangabillé qui était détenu à peu près 10 ans. Jean-Marie Chimilimana, président de cette association, plaide pour que cette grâce soit accordée aux autres détenus afin de désengorger les prisons. Suivez Jean-Marie Chimilimana, traduit en français par Omer Ndouaï. C'est une grande satisfaction au niveau de l'association Nabariza. Nous apprécions positivement ce geste. Nous encourageons Madame Floriane à continuer son métier de journalisme en respectant l'éthique et la déontologie. Dans l'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles, nous plaidons pour la grâce présidentielle résidentielle chez les autres détenus toujours sous verrou afin de désengorger les prisons. Nous remarquons qu'il s'agit d'un bon exemple du président de la République, que les autres prisonniers osent demander pardon, comme l'a fait Mme Floriane. Nous interpellons les instances d'habilité, notamment les procureurs, à éviter des emprisonnements abusifs, mais plutôt à privilégier la réconciliation des parties en conflit. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page agriculture à présent, l'augmentation de la production agricole, animale et halieutique, ainsi qu'une collaboration suivant le programme du pays, notamment la digitalisation. Telles sont quelques-unes des innovations du cadre programme pays de la FAO au Burundi 2024-2027. Lors de la présentation et validation de ce cadre ce vendredi, Pisang Changai Dademanao, représentant résident de la FAO Burundi, a précisé que ce cadre de programmation pays de troisième génération n'a pas de grande différence avec les deux précédentes générations. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. La différence est que les priorités ne changent pas, mais au fur et à mesure que nous mettons en œuvre, que nous l'évaluons et que nous considérons l'appui que les partenaires nous apportent, nous les réajustons aux nouvelles priorités, aux nouveaux besoins qui apparaissent. Nous avons toujours conservé les trois priorités qui se focalisent sur les aspects de la disponibilité en quantité et en qualité. Et donc, la priorité 1 par rapport à celle de l'année dernière est différente dans le sens où nous pensons passer à l'intensification du secteur agricole, notamment la production, que ce soit agricole, que ce soit en matière de production animale, halieutique, mais en travaillant aussi beaucoup plus sur l'aspect chaîne de valeur en intégrant les innovations. La deuxième différence vient au niveau de la priorité numéro 2, où nous travaillons initialement que sur la gestion durable des ressources naturelles. Mais cette fois-ci, nous considérons qu'il importe que cette gestion-là ne soit pas que durable, mais qu'elle soit aussi intégrée, considérant la multiplicité des risques qui interviennent, mais en même temps travailler sur la résilience des communautés, avec un focus spécial sur les femmes et les jeunes. La troisième, elle reste la même, mais après tout, c'est comment est-ce que nous déclinons les interventions. La troisième priorité, c'est celle de l'accompagnement, si on peut dire, institutionnel et organisationnel. Le gouvernement veut aller aujourd'hui vers la digitalisation. Nous accompagnons sous ce cadre de programmation la digitalisation. Le gouvernement veut aller vers les statistiques agricoles. Nous allons l'accompagner dans ce sens. Et ce sont des aspects, par exemple, qui ne figuraient pas dans le cadre de programmation de la phase précédente. Nous parlons aujourd'hui des actions d'alerte précoce et actions rapides. Ça, ce sont des aspects sur lesquels nous n'avions pas mis l'accent dans les générations antérieures, mais cette fois-ci, ça sera des aspects sur lesquels nous devons travailler. Dans la page de commerce, la société Burundi Manufacturing Actions BIMAC en sigle a lancé ce vendredi une nouvelle marque de cahier appelée Iwachu dans une conférence de presse tenue ce vendredi. Samuel Nio Mugabo, directeur général de BIMAC, précise que l'objectif est d'aider les enfants du pays à avoir du matériel scolaire fabriqué au Burundi à un prix abordable, mais également de créer de l'emploi. Il signale que cette société a la capacité de production de 1000 cahiers par jour. Suivez-le. C'est un produit qui se présente en deux formats. Il y a le format premium et le format standard, mais la qualité est le même. Si je dis la qualité du papier, parce que comme nous avons dit que nous voulons traiter du papier, donc nous avons pensé à la qualité. Le format standard, il est de 16 mètres sur 20 mètres. L'autre format, premium, c'est le format qui est de 16 à 22, donc c'est un peu plus grand par rapport à l'autre. Mais le papier à l'intérieur, c'est le même. Donc on a voulu, parce que c'est le choix de nos clients, donc ils ont demander que nous faisions les deux formats. Pour ces cahiers, on va présenter les cahiers, que ce soit de 100 feuilles, 60 feuilles, 28 feuilles et 24 feuilles. Nous répondons aux demandes de nos clients. Pour la différence des autres produits que vous voyez au marché, en un seul mot, moi je dirais, qui dit le cahier Iwachu, dit la qualité. La qualité des feuilles à l'intérieur, vous allez voir aussi les lignes pour les cahiers quadriers, que c'est impeccable. Quant aux couvertures, ils sont faits du papier, je dirais, épais. Quitte à que le cahier peut durer, vous savez, il y a des cas où les écoliers ne mettent pas de couverture externe. Dans ces cas, nous avons pensé à ça et nous assurons qu'avec notre couverture, le cahier va durer. Nous avons voulu marier au prix et la qualité. Nous avons des formats. Il y a le format premium qui mesure 16/22. Là, le carton, le prix par carton, c'est 400 000 francs burundais. Pour les formats standards de 16/20, le carton sera vendu à 380. Et aussi, nous invitons les parents à faire le bon choix pour leurs enfants, c'est le cahier Iwat. C'est le cahier fabriqué ici au Burundi. Donc, on commence. On ne va pas s'arrêter. Mais on veut faire en sorte que ces gens qui importent les cahiers d'autres pays qui s'approvisionnent ici au Burundi, vu que la qualité est assurée et le prix, c'est-à-dire qu'une fois que les parents sont sûrs d'avoir les cahiers localement, là, ils vont acheter les cahiers chez nous. Dernier dossier de ce journal, 1200 jeunes subdivisés dans trois groupes et s'occupent des travaux de propriété de la ville de Bujumbura via les camps de travail organisés par le centre jeune Kamenge. Ces jeunes indiquent qu'ils se réjouissent de ces travaux qui les occupent au lieu de fréquenter les Ligala. Abbé Egide Nzeimana, responsable du centre jeune Kamenge, fait savoir qu'à part ces travaux, ils organisent des formations pour ces jeunes, des formations relatives à la paix et à la cohésion sociale. Les détails avec Jean-Marie Vianney Guinakouman. Ces jeunes en vacances, membres du centre jeune Kamenge, se réjouissent de ces travaux d'été organisés pour eux du fait qu'ils parviennent à trouver l'occupation. Ceci les empêche d'afficher le comportement indigne dans la société. Wilson Mutole de deux fait savoir que le kit scolaire qu'ils reçoivent à la fête du camp de travail aide les parents à acheter peu de matériel scolaire. Nous les jeunes, quand on est en vacances, beaucoup de jeunes ils partent dans des mauvais endroits, je ne sais pas où. Mais les centres jeunes nous donnent de l'avantage d'être ensemble, de nous enseigner comment vivre avec les autres, vivre en paix. Et à la fin du camp, ils vont donner des cahiers. Beaucoup n'ont pas de moyens pour avoir ces cahiers. Ce sont des avantages. Abbé Egide Nzeimana, responsable du centre jeune Kamenge, indique que les travaux que ces jeunes font se divisent en deux catégories, à savoir les travaux manuels et la formation. Les travaux que ces jeunes font ici se divisent en deux. La première partie concerne les travaux manuels. Les jeunes partent dans les quartiers. Nous les occupons des zones de la commune Nahangwa. Les jeunes partent avec leurs animateurs dans les quartiers pour justement assainir les quartiers où les jeunes vivent. Et cela, c'est dans l'avant-midi. Et dans l'après-midi, ils viennent. Ils vont dans les douches. Après, ils mangent. Par après, ils vont dans les formations différentes. Et chaque jour, il y a un sujet, un thème qui est débattu. Et les jeunes, vraiment, sont intéressés. Et Egide Nzeimana exhorte les autres jeunes âgés de 18 à 30 ans de fréquenter le centre jeune Kamenge pour vivre en harmonie avec les autres jeunes. Nous lançons un appel vibrant pour les jeunes parce que nous sommes en vacances d'été. Il y en a qui sont là, dans leur maison, sans occupation. Mais les jeunes qui parviennent à venir ici, en tout cas, ils trouvent beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous invitons tous les jeunes qui sont vraiment en âge, entre 16 ans et 30 ans. La plupart sont des élèves, mais il y en a qui ne sont pas élèves, qui ont abandonné l'école. Mais tout ce monde, nous l'accueillons ici. Alors pour les jeunes qui ne sont pas venus, je leur dirais que quand même, ils ont raté une bonne occasion. Le responsable du centre jeune Kamenge fait savoir que 1200 jeunes organisés en trois groupes ont participé dans les travaux de camp de travail et formation de cette année, tout en précisant que ces travaux vont se clôturer le 24 du mois en cours. Voilà, c'est par ici que se referme cette actualité, mais c'est là qui vient de nous capter en cours de route. Voici le rappel de l'essentiel. L'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles Nabariza apprécie positivement le décret présidentiel portant la mesure de grâce présidentielle à Floriane Irangabie, qui était détenue à peu près 2 ans à la prison centrale de Bubanza, décret datant du 14 août 2024. 1200 jeunes subdivisés en trois groupes s'occupent des travaux de propriété de la ville de Bujumbura via les camps de travail organisés par le centre jeune Kamenge. À part ces travaux, ce centre organise des formations pour ces jeunes, des formations relatives à la paix et à la cohésion sociale. Et les cas de grossesse non désirée en milieu scolaire ont sensiblement diminué allant de 88 à 47 respectivement pour les deux dernières années scolaires en province de Kayanza. À propos de Juvenal Mbonihanguye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à la complicité technique de Serafine Akidimana. À la présentation, j'étais avec Evariste Ndikobanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso. Yeah.